Et maintenant, je voudrais qu'on revienne à notre plongeoir. Avoir. Haber. H-A-B-E-R. Alors, comment direz-vous? Je l'ai vendu. Lo he vendido. Lo he vendido. Et comment direz-vous? Si j'étais vous, je l'aurais vendu. Je l'aurais vendu. Lo haría. Haría, c'est quel verbe ça? Haría, ça vient du verbe hacer, qui veut dire faire. Mais je ne vous ai pas demandé je le ferais vendu, mais je l'aurais vendu. D'accord. Donc, avec le verbe haber. Haber. Haber. Haber, c'est notre plongeoir. Alors, si j'étais vous, je l'aurais vendu. Lo. Lo habría. Habría. D'accord. Habría. Je l'aurais vendu. Lo habría vendido. Lo habría vendido. Et je ne l'aurais pas vendu. No lo habría vendido. No lo habría vendido. Alors, on plonge dans ado ou ido. Mais, bien sûr, il y a quelques plongeons particuliers. Quelques verbes qui se comportent de manière un peu particulière. Comme hacer et... Vous savez, ces deux verbes qui vont toujours de pair. Hacer et... Decir. Decir. Decir, c'est ça. Decir et hacer. Dans le cas de hacer, on ne plonge pas avec ácido, non. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà vu ce qui est inscrit sur les étiquettes, fait en Espagne. C'est Hecho. Hecho, c'est ça. H-E-C-H-O. Hecho. Vous avez sûrement vu cette mention Hecho en Espagne, sur des étiquettes. Hecho en Espagne ou Hecho en Chine. Peu importe. Hecho veut dire fait, du verbe hacer. Alors, si vous voulez dire je l'ai fait, ça sera lo hecho. Il vous faut plonger. Vous avez besoin d'un plongeoir pour plonger. Lo he hecho. D'accord, lo he hecho. Je ne l'ai pas fait. No lo he hecho. Bien, no lo he hecho. Pour dire à ta place, je ne l'aurais pas fait. Donc, je ne l'aurais pas fait. No lo habría hecho. No lo habría hecho. C'est ça, je ne l'aurais pas fait. No lo habría hecho. Alors, on a hecho du verbe hacer. Et maintenant, le verbe qui va de pair avec hacer, c'est decir. Decir. Alors, si hacer donne hecho, decir donne dicho. D-I-C-H-O. Vous voyez comme ils sont proches, des bons amis en somme. Alors, je vous ai dit, a usted se dira le ha dicho. Ça, ça veut dire il ou elle vous a dit. Mais je vous ai dit, c'est le he dicho. Le he dicho. Alors, il me l'a dit. Me lo ha dicho. Me lo ha dicho. Et je vous aurais dit, si j'avais su. Le habría dicho. D'accord. Le habría dicho. Je vous aurais dit.